Radio Campus Lille, il est midi. Jusqu'au 20 juin 2013, la 11e édition du Festival Latitude Contemporaine investit la métropole lilloise et sa région. Rendez-vous important de la danse contemporaine, il affirme sa volonté de promouvoir la jeune création chorégraphique au travers d'artistes confirmés comme émergents. Les latitudes contemporaines se plaisent à questionner l'art et la place du corps dans la société. Comme chaque année, Radio Campus est partenaire média de l'événement, tous les détails sont sur latitudecontemporaine.com. Bonjour, il est midi, c'est Nicolas qui vous parle en lieu et place d'Antoine, qui doit être en train de nous écouter du fond de son lit. Salut Antoine, j'essaie de faire aussi bien que toi, en ce tardif mais beau printemps. Et Christian a eu un petit empêchement, mais on le retrouvera la prochaine fois. Comme Antoine, vous êtes sur Radio Campus et écoutez Angle d'Attaque. Attaque l'association des taxations et transactions financières pour l'action citoyenne. Voilà, c'est la voix de Nicolas que vous venez d'entendre, une voix que nous n'entendrons plus, celle d'un copain parti trop tôt, mais c'était sa décision. À ses parents, à sa famille et à ses amis, les membres du comité local d'attaque Lille présentent leurs condoléances. Et il faut continuer notre travail, et cette émission est dédiée à la mémoire de Nicolas. On va rappeler tout de suite à nos auditeurs et auditrices que chaque émission est réécoutable pendant 2 mois sur le site de Radio Campus. Onglet programme, choisissez samedi, trouvez le bon horaire et la bonne date et concentrez-vous sur l'écoute d'Angle d'Attaque. Vous pouvez aussi réécouter toutes nos émissions sur notre overblog Attaque Lille. Aujourd'hui, dernier volet de notre série de 9 émissions sur l'économie sociale et solidaire. De quoi allons-nous parler dans ce 9e volet? Deux coopératives, ces entreprises de l'économie sociale et solidaire qui vivent selon un mode démocratique, une personne, une voix, par opposition à une action, une voix, bien sûr, qui reste largement dominant dans notre monde libéral. Pour nous parler de SASCOP, au beau nom, Extramuros, Nicolas Vérague, qui va certainement nous dire tout à l'heure pourquoi cette appellation et comment ça fonctionne aujourd'hui et depuis 20 ans quand même. Une SASCOP. Bonjour Nicolas. Bonjour à vous. Au passage, je remercie Maud Grégoire qui nous a aidé à préparer l'émission en nous confiant son mémoire de Sciences Po qui porte entre autres sur l'histoire d'une autre SCOP de la région créée après liquidation judiciaire. Ça mériterait bien une publication, ce travail d'étudiante, mais c'est un avis perso. Mais tout de suite, on va passer à l'actualité avec René Lascience. René, c'est à toi. Bien, alors parlons des activités d'attaque. Alors déjà au plan national, le 28 mai, opération envol fiscal devant Bercy. Environ 200 personnes ont participé à cette action, à l'initiative d'attaque et de solidaire finances publiques, marquée par un lâcher de 60 ballons géants devant le ministère de l'économie et des finances. Pour rappeler que 60 à 80 milliards d'euros échappent au budget de l'État suite à la fraude et à l'évasion fiscale. À l'issue de cette manifestation, Dominique Plion, porte-parole d'attaque, et Vincent Drozet, secrétaire général de Solidaire Finances Publiques, ont été reçus par le conseiller budgétaire et social du ministre de l'Économie et des Finances. Et pas par Jérôme Cazière, qui n'était pas là, mais... Non, il semble qu'il était absent. Le 1er juin, manifestation internationale des peuples unis contre la Troïka. Suite à une initiative lancée à Lisbonne le 26 avril, notamment par le mouvement portugais « Que se liche à Troïka », en français « Que la Troïka aille se faire foutre ». Il parle même portugais, René. Oui. Pour protester contre les politiques d'austérité initiées par ce trio infernal, le FMI, la BCE et l'Union européenne, qui plongent les peuples d'Europe dans une récession, un endettement et une misère sans fin. En France, Le collectif pour un audit citoyen de la dette publique, dont fait partie ATTAC, je le rappelle, était parmi les premiers signataires de l'appel pour un rassemblement à Paris le samedi 1er juin sur le parvis des droits de l'homme, esplanade du Trocadéro. Enfin, les 7 et 8 juin, l'Altersommet d'Athènes, il a rassemblé 3000 militants et militantes et plus de 180 mouvements associatifs, syndicaux, citoyens de l'Union européenne, mais aussi de pays d'Europe non membres de l'Union, notamment la Norvège, la Turquie, la Serbie, et aussi des États d'autres continents, comme la Tunisie ou l'Équateur. La Grèce et la France étaient particulièrement bien représentées, avec plus d'une vingtaine d'organisations chacune. La délégation d'ATTAC France réunissait plus de 50 participants. Le Manifeste des peuples, qui rassemble les doléances communes des membres de l'Altersommet, finalisé récemment à Zagreb, a été rendu public au cours de l'Assemblée plénière du vendredi 7 juin, où sont intervenus notamment Aurélie Trouvé d'ATTAC France et Alexis Tsipras de Syriza. Oui, le manifeste a servi de base pour l'objectif principal de l'Altersommet, c'est-à-dire élaborer des initiatives et des stratégies communes et convergentes à l'échelle européenne. Voilà. Et bien sûr, ce week-end, donc des 7 et 8 juin, s'est terminé par une grande manifestation européenne de solidarité dans les rues d'Athènes. Et il est prévu déjà d'autres suites à ça. Donc à l'Altersommet, d'autres mobilisations, notamment en octobre 2013 à l'occasion du semestre budgétaire et pour l'inauguration du nouveau siège de la BCE à Francfort courant 2014. Le 11 juin, retraite assez de mensonges, place à un vrai débat. C'est un communiqué d'ATTAC France à propos de la prochaine réforme des retraites qui souligne les faux arguments avancés par le gouvernement, leur cynisme et leur absurdité, et rappelle que c'est la quatrième réforme en moins de 20 ans. En association avec la Fondation Copernic, ATTAC appelle à une action collective pour qu'un vrai débat de société s'amorce sur la retraite et la place du travail dans la vie. Oui, on va voir ça dans quelques semaines. Alors, au plan local, René. Au plan local, alors, le 23 mai, pour rappel, c'était la projection des Moissons du futur, de Marie-Monique Robin, qui était d'ailleurs invitée pour l'occasion. Donc cette projection a rencontré, bien sûr, un vif succès, a réuni des participants particulièrement motivés, notamment des Amapiens, et a donné lieu à un débat très intéressant où Marie-Monique Robin a exposé d'une manière claire, précise et sans appel l'urgence d'une révolution agroécologique dans nos pratiques agricoles si l'on veut éviter le désastre. Notamment la permaculture, l'agroforesterie et l'agroécologie. Exact. Oui. Et le 15 et 16 juin... est prévu, c'est-à-dire, eh bien, ça commence cet après-midi et demain, un forum contre les grands projets inutiles, nuisibles et imposés. C'est ATTAC Villeneuve-d'Ascq qui relaie cette invitation, car certains de ses membres font partie des collectifs partenaires. Voilà. Alors qu'ils prônent l'austérité, les politiques n'hésitent pas à gaspiller l'argent public pour investir dans des équipements surdimensionnés, inutile et néfaste pour l'environnement. Ceci pour le plus grand profit des multinationales et de groupes financiers. C'est un transfert scandaleux d'argent public vers le privé. Comment agir collectivement ? C'est le thème de ce forum qui débutera le samedi 15 juin à Lille par une manifestation Place de la République suivie d'une projection et d'un débat sur la ligne THT et d'un concert en soirée. THT qui doit impacter Avelin, d'ailleurs, de Lille, hein. Voilà. De la métropole, pardon. Et qui se poursuivra le dimanche 16 juin, demain, à Le Forêt, donc près de Douai, par un repas auberge espagnole, une présentation des différents projets inutiles, suivi d'une projection et d'un débat sur les moyens d'action. Des informations plus détaillées vous seront données dans le calendrier militant. Pas mal détaillé, hein, quand même. On y reviendra. Oui. Le collectif Eau ? Alors, nous abordons le collectif Eau. Oui, c'est quoi ? C'est l'autre papy. C'est... Oui, alors... Le collectif Eau sur... Oui. Oui, il y a du neuf sur le collectif Eau. Vous avez peut-être lu la presse gratuite ces derniers temps. Mais René va nous en parler. Oui, alors oui, on peut le dire. Il y a du nouveau. Puisque début juin, LMCU et les Eaux du Nord Suez sont parvenus à un accord qui met fin à leur contentieux. Oui, ça c'est magnifique. Oui. Alors donc, on imagine que c'est une bonne chose. Il n'y a plus de contentieux, ça doit aller bien maintenant, non ? Vu sous cet angle, on pourrait dire que oui. Il y a évidemment des points positifs dans cet accord. EDF Suez accepte de restituer 60 millions d'euros sur les 115 réclamés par LMCU. Pour les 55 millions restants, la décision appartiendra au tribunal administratif. Elle accepte également le rachat de ses unités de production par LMCU pour 55 millions d'euros. Ainsi, LMCU reprend le contrôle de 75% de son approvisionnement, entérinant la création d'une régie publique de production, ce qui faisait d'ailleurs consensus au sein des élus communautaires. Cet accord met fin aussi au risque de chantage sur les prix de l'eau en gros et rend caduque la décision du tribunal de début mars annonçant la baisse de 10% du tarif de vente d'eau décidé par LMCU en 2010. Ce qui est bien sûr favorable à l'usager. Ah. Bon, alors donc, il y a un accord conclu un peu rapidement, il y a un revirement des eaux du Nord Suez. Pour le moins inattendu. Voilà, on se demande s'il n'y a pas quelque chose derrière ça. Hein. Justement, c'est ce que se dit le collectif Eau. Nous ne connaissons pas les termes de l'échange. Manquerait-il de transparence ? C'est bien possible. Alors pourquoi un tel revirement déjà des eaux du Nord Suez ? Déjà, peut-être le souci de ne pas être hors-jeu dans l'appel d'offres si LMCU optait pour une nouvelle DSP en 2015. De même, le fait d'avoir accepté de céder ses unités de production pour 55 millions d'euros alors qu'elle en réclamait 80, peut être motivé par la crainte de voir LMCU, à la communauté urbaine de Lille bien sûr, s'adresser à un autre fournisseur ou bien de se retrouver face à une procédure d'expropriation avec un prix de vente imposé par la justice, mais aussi l'éventualité d'être confronté à de nouvelles pollutions ou à des normes plus contraignantes, obligeant des investissements supplémentaires dans les unités de production, ce qui pèsera évidemment sur sa rentabilité. Bon, alors, et d'autre part, le message délivré par LMCU est pour le moins confus et contradictoire. Oui. Déjà, le choix du mode de distribution, donc régie ou DSP, qui devait avoir lieu au cours de la délibération cadre de vendredi 21 juin, comme vous savez, est repoussé au deuxième semestre 2014, voire même en décembre. Et LMCU a justifié l'accord conclu avec les Eaux du Nord en soulignant que le contentieux annulait l'option DSP par le risque de se retrouver... de retrouver EDN Suez comme délégataire. Il ne restait donc que la solution régie publique, mais LMCU ne voulait pas d'un choix par défaut. Très bien. Donc, selon ses propos, LMCU a choisi une voie pragmatique dans l'intérêt du consommateur, s'il vous plaît, et va donc mener de pair le lancement du renouvellement de la DSP et l'étude approfondie d'un retour en régie. À l'intérêt du consommateur, nous préférons l'intérêt du citoyen. Vas-y, René. Oui. Donc, il n'y a plus que deux options. Il y a toujours deux options, ouais. Donc rien n'est joué. Il y a toujours deux options. Et on peut penser que la régie, au fond, aux yeux de LMCU, est avant tout un moyen de pression pour obtenir le contrat le plus avantageux possible auprès des sociétés candidates à la reprise du contrat. Alors, qu'en pense le collectif ? Alors, le collectif, bien sûr, s'il approuve le retour dans le giron public des unités de production, rappelle que ses objectifs sont une régie non seulement pour la production, mais aussi pour la distribution et l'assainissement, un accès universel à l'eau, qui est un bien commun indispensable à la vie, je le rappelle, par la mise en place d'un autre mode de tarification, notamment avec les premiers mètres cubes gratuits. que la question de l'eau fasse l'objet d'un véritable débat citoyen au sein de la communauté urbaine. D'autre part, il s'inquiète de la date tardive retenue pour le choix définitif, c'est-à-dire décembre 2014. Aura-t-on le temps, avant février 2015, de mettre en place une régie, si l'option régie est retenue, bien sûr. En plus, il y a appel d'offres. Il y a quand même un appel d'offres, y compris pour la DSP. Ça fait vraiment short pour décider en 3-4 mois. Quoi. Techniquement, hein, est-ce qu'on ne nous dira pas « Ah bien, on n'a pas le temps de la mettre en place, tant pis, il faut passer en DSP ouais. ». Voilà. On peut dire aussi que les eaux du Nord-Suez s'en tirent bien. Alors 60 millions d'euros, sauf bien sûr décision du tribunal à venir au sujet des 55 millions restants, sur les 350 millions d'euros au total avec les intérêts de trop perçus. Et sans compter la revente des unités de production déjà payées par les usagers, mais qui juridiquement, j'en ai parlé la dernière émission, sont des biens de reprise, donc doivent être compensés financièrement. Donc, le collectif poursuit son action de mobilisation, notamment la campagne de pétition qui devait s'arrêter le 21 juin avec la remise des pétitions à l'MCU, des réunions publiques, les campagnes d'information pour toucher davantage de citoyens, rencontres avec les élus des municipalités pour l'organisation de débats, contacts avec d'autres associations pour étoffer le collectif, etc. Le collectif appelle toujours à un rassemblement le vendredi 21 juin de 13h à 14h devant le siège de LMCU, 1 rue du Ballon à Lille, avec comme mot d'ordre « ne pas capituler devant les multinationales » et souligne la nécessité d'une régie publique dans l'intérêt de tous. Et j'ajoute, maintenant le collectif a une page Facebook, https://www.facebook.com/collectif-au-lille. Eh ben voilà, fallait le dire, quelque chose de très technique. On va passer à un peu de musique pour se reposer. C'est Liberté de Philippe Catherine que nous a proposé Xavier. Vous êtes toujours sur Radio Campus et vous écoutez Angle d'attaque. Avant de commencer l'entretien, un mot à notre invité pour expliquer notre démarche, pourquoi nous l'avons invité. Attaque, notre association, soutient l'économie sociale et solidaire et les initiatives qui vont dans ce sens. La raison en est que l'économie sociale et solidaire nous semble offrir des perspectives de vie et de vie au travail différentes, en tout cas sur le papier, si on peut le dire comme ça, plus proches de l'idée que nous nous faisons d'une vie conforme aux aspirations de nos concitoyens. L'ESS, l'économie sociale et solidaire, on en fait le pari, nous dit qu'une autre vision du monde est possible, pour reprendre notre slogan altermondialiste. Alors, les coopératives, thème du jour. La coopérative est une vieille idée qui semble connaître, sinon un succès croissant, une reconnaissance accrue. On la doit, cette reconnaissance, à l'actualité qui met en avant cette forme d'entreprise, puisqu'il est de plus en plus souvent question de reprise par les salariés d'entreprises en difficulté ou en dépôt de bilan. Alors que, eh bien, il faut le savoir, seulement 7% des SCOP sont des reprises d'entreprises en difficulté. Déformation de l'information par les médias, passons. Les coopératives, donc, les politiques s'y intéressent aussi depuis peu. Madame Lindemann, dans un rapport au Sénat de juillet 2012, les présente carrément comme une alternative à la crise économique et réclame plus de facilité d'accès aux salariés repreneurs. Ce rapport faisait écho à un rapport précédent de M. Vercamer au Premier ministre Fillon sur l'économie sociale et solidaire et les coopératives en particulier, pour lesquelles, dans une recommandation, la 29e sur 50, vous voyez, j'y ai travaillé, il proposait de favoriser la reprise de PME sous forme de coopérative en permettant aux salariés de percevoir leur indemnité avant la liquidation judiciaire de l'entreprise. Ce qui n'est pas possible actuellement et ce qui pose des problèmes d'ailleurs aux repreneurs sous forme de SCOP. À l'automne, cette question devrait faire partie d'un projet de loi que déposera au Parlement le ministre de l'économie sociale et solidaire, puisqu'il y en a un maintenant. Donc c'est Benoît Hamon. Bref, tout ça, ça peut se trouver sur le net, mais tout ce que nous voulons, nous, c'est entendre parler des coopératives par celles et ceux qui vivent au quotidien. Comment travaille-t-on dans une coopérative? Pourquoi? Comment y entre-t-on? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vérifié que vous vivez mieux dans une autre que dans une autre entreprise, entre guillemets, normale, sous le régime démocratique, une personne, une voix? C'est ce que vous allez nous dire en décrivant votre SCOP, Nicolas Verrage. Et d'abord, que produisez-vous? Alors, qu'est-ce qu'on produit? Nous, on produit un service intellectuel. C'est un peu le cœur de métier de notre SCOP. À savoir qu'on s'est inscrit, je reviens un peu sur le nom, là, vous parlez d'Extramuros. Extramuros, ça date de 20 ans. Ça a commencé en 93 par d'autres que nous. On est une nouvelle génération qui a repris cette entreprise. Et c'est assez intéressant parce que du coup, ça marque tout de suite d'entrée de jeu l'ADN que peut prendre une SCOP quand un projet, il est partagé et il part sur des principes et des valeurs fortes. En l'occurrence, Extramuros, le nom, j'étais pas là, mais j'imagine que ça permet d'ancrer et d'inscrire une vraie volonté d'être au service du développement local et durable, c'est-à-dire de travailler un petit peu sur des problématiques transversales d'économie sociale et solidaire, de remettre un petit peu l'humain au centre des systèmes économiques, de gouvernance également, de faire participer un peu les habitants, et surtout aussi de projets de territoire de développement durable, écologique, les agendas 21. Je le fais un peu rapide, mais ce qui me permet de vous décrire un peu le cœur de métier de cette entreprise, c'est donc très clairement du conseil. On est une entreprise de conseil. Les collectivités locales sont nos clients principaux et on les aide à monter des projets complexes dans les différents domaines que je viens de donner. Donc l'économie sociale et solidaire, très clairement, sur la structuration de filières, sur les circuits courts, sur le réemploi des déchets, par exemple. Après, on a tout un volet Action Pic Durable, donc les projets de territoire comme les Agendas 21, les projets de territoire également autour des fusions d'intercommunalités. Voilà. On a aussi toute cette partie démocratie participative à travers la politique de la ville, la façon dont les habitants peuvent se réapproprier peut-être leur quartier à travers leur rénovation, de la formation. Voilà, j'en passe les miens parce que c'est une entreprise qui a évolué, qui est d'ailleurs maintenant plus complexe et plus large que Extramuros, puisqu'on est un exemple de SCOP qui avons fusionné avec une autre SCOP, puisque Multicité était des collègues qui faisaient le même travail que nous. C'était une autre SCOP. Mmh. C'était une entreprise qui avait été créée en 2001, qui était devenue une SCOP en 2007, je crois, de mémoire. Et voilà, ça montre aussi cette fusion, que le principe, il est aussi de partager des projets et d'être dans une logique de solidarité, puisque là, on a vu qu'on avait des complémentarités dans nos travaux. Et au lieu de se faire la guerre, et très naturellement, on était aussi des collègues qui se sont approchés physiquement, puisqu'on a été dans les mêmes locaux à un moment, il a apparu comme une évidence de structurer un peu notre activité, de la pérenniser, je donne un peu des principes des scopes justement en disant ça, eh ben, en rentrant dans une logique de fusion. Donc, nous, à Extramuros, on était une dizaine. Et aujourd'hui, depuis janvier 2013, on est multicité Extramuros, ce qui me permet de faire la transition. Et on est une vingtaine. Donc, on vient consolider encore trouver une complémentarité dans nos activités. Et ça aussi, c'est un peu, pour moi en tout cas, l'esprit des scopes. C'est avant tout pérenniser son emploi, le structurer et le rendre le plus solide possible à travers une logique de solidarité entre les salariés et une vision à long terme de là où on veut aller et d'essayer d'y aller ensemble. Bon, je pense qu'on peut le dire comme ça. Oui, c'est déjà beaucoup de choses. Bon, alors on va peut-être revenir un peu à la façon dont est organisée la SCOP. Alors, on a bien compris qu'il y avait une fusion. Avant de parler de la fusion, comment Extramuros est organisé? C'est-à-dire hiérarchiquement, et puis il faut quand même qu'on parle de une personne, une voix. Oui. Quand même, oui. Ça me semble quand même essentiel. Et c'est sur ce point-là, nous à ATTAC, on est très attachés à d'autres façons de vivre en entreprise, si vous voulez. Hein. Donc, un mot là-dessus quand même. Je pense qu'il faut être très très concret parce que souvent quand on discute avec les personnes des scopes, c'est très obscur ou très flou au-delà du principe de solidarité. Enfin, on va être très concret. Un salarié, quand il est employé dans notre scope, alors les statuts disent qu'au bout de 2 ans, on doit forcément lui faire la proposition de devenir, je dirais, sociétaire, puisque sociétaire, ça fait plus sens qu'actionnaire, même si c'est la même chose. C'est pas la même chose. En tout cas, en l'occurrence, le principe, c'est celui-ci. Donc, vous devenez sociétaire de la SCOP. Après avoir fait une demande, l'AG vous accepte. Qu'est-ce qui se passe très concrètement? À partir du moment où vous êtes sociétaire, il y a 3% de votre salaire qui est reversé au capital de l'entreprise. Donc, vous possédez petit à petit des actions, des parts de votre SCOP. En sachant que cette chose est limitée, puisque personne n'y arrive encore parce qu'on est assez jeune, mais quand vous arrivez à peu près, c'est statutaire, à 6 mois de votre salaire, ça s'arrête, parce que le but n'est pas non plus de... Donc voilà, tous les mois, vous participez, vous mettez des sous au pot et vous prenez des actions de la structure en échange, entre guillemets. Les statuts des scopes, pas seulement de la nôtre, font que les salariés sociétaires, puisqu'il peut y avoir aussi des sociétaires qui ne sont pas salariés, mais nous, les travailleurs de l'entreprise, devons avoir 51% du capital, ce qui veut dire qu'on a toujours la maîtrise très clairement des orientations stratégiques, des choix, donc ça c'est très important. Et de la même manière, aux assemblées générales, ça vous l'avez évoqué, et c'est quand même le fondement, je pense, de la logique, que vous ayez 3 euros ou je sais combien d'euros, dans les décisions qui concernent l'entreprise, un homme égale une voix, donc les AG, c'est un principe quand même de démocratie et de transparence, puisque pour avoir un petit peu la main sur ces différentes décisions, il y a un accès à tous les chiffres, tous les résultats. Donc voilà, ça je pense que c'est quand même central. Et donc ça fonctionne comme ça. Vous mettez 3% de votre salaire et vous avez du coup une voix pendant les assemblées générales. Donc, et dans la période de recrutement, donc, vous êtes un salarié normal d'une entreprise normale, en gros. Un salarié normal, mais du coup, quand même, qui baignons assez naturellement dans ce climat un peu transversal. Donc, transversal, je l'entends, puisque vous parlez d'hiérarchie. Et donc, du coup, alors c'est compliqué parce que... On en avait parlé, je ne voudrais pas non plus donner un tableau complètement idyllique des scopes. Ce que je dis, finalement, n'engage que notre société, parce qu'en fait il y a une particularité, en tout cas c'est une intuition personnelle, je ne sais pas si on peut l'étendre, c'est que nous on a tous le même cœur de métier, c'est-à-dire que tous les salariés, les 20 salariés font la même chose. Donc la gérante, c'est une gérante, elle a été élue et elle est une ancienne consultante, elle est consultante, elle fait encore des missions. Donc voilà, et je vais vous dire, c'est hyper transversal, il n'y a pas d'hiérarchie, c'est la vérité, dans notre COP. Mais parce que du coup, on a une solidarité sur les dossiers, sur les... Et donc à partir de ce moment-là, on a un fonctionnement interne, parce que du coup, on ne fait pas non plus n'importe quoi, je veux dire, c'est pas le chaos. Donc il y a un fonctionnement par pôle, donc vous avez une personne qui est l'animateur de son pôle, qui est un peu le garant des différentes missions qui s'y passent. Voilà, et donc une gérante, parce que quand même, il n'y a pas de, il y a pas de secret, il faut quand même une vraie vision, et quand on est 20, là on vient de passer 20, toute décision n'est pas prise à main levée, enfin je veux dire, voilà, je ne veux pas non plus rentrer dans de l'utopie absolue, il y a besoin de quelqu'un qui est leader, et qui tranche, et qui, sur un certain nombre de points, sur les gros points stratégiques, on est ensemble. Il a invité surprise. Un petit peu ma pierre à l'édifice, puisque j'ai dirigé une SCOP pendant plusieurs années. Donc effectivement, il y a le principe même qui est le principe fondateur des SCOP, qui est un homme, une voix. Donc effectivement, tout le monde participe aux décisions, enfin tout au moins les décisions stratégiques, les décisions globales. Alors effectivement, tu citais le point le plus important qui pourrait être une pierre d'achoppement quelquefois, à savoir que c'est très difficile d'arriver à un consensus au niveau des décisions générales lorsqu'il n'y a pas le même cœur de métier, lorsque tu disais tout à l'heure. Alors moi, c'était en particulier une société qui fabriquait des stores et des fermetures de magasins. Donc on avait à la fois des commerciaux, des ouvriers d'atelier et des administratifs. Donc si on part sur le principe de départ, c'était à travailler égal, salaire égal. C'était un peu difficile à concilier avec des postes complètement différents. Donc c'est pas, il faut enlever le caractère idyllique, effectivement, des scopes qui feraient penser à une certaine alléluia, le monde de oui-oui, quoi. Et c'est très difficile. Les premières discussions qu'on a eues sur le montant des salaires à attribuer au personnel, c'était vraiment quelque chose de... Donc il faut un consensus, il faut une discussion entre les gens. Mais ce qui est très intéressant, c'est que on arrive à casser un peu les schémas, surtout très, très marqués dans le nord de la France, où c'est très difficile à un ouvrier de penser qu'un commercial, c'est pas quelqu'un qui se balade en bagnole et qui branle rien. Et puis aussi également, à l'inverse, le commercial pensait qu'un ouvrier, c'est quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir des idées pour le développement de l'entreprise. Donc c'était toute cette difficulté, mais en même temps, c'est tellement enrichissant et c'est tellement valorisant pour le... Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est le principe de base de la SCOP, c'est quand même de faire en sorte que tous les salariés de la SCOP puissent, et c'est presque une obligation, devenir actionnaires et participer aux décisions de l'entreprise, et vraiment ça c'est important. René, oui. Je voulais dire, il y a aussi quand même une obligation de résultat, puis le fait de devoir se défendre contre les entreprises classiques, enfin, ce qu'on appelle la concurrence, comment on gère ça, parce que j'ai permis de répondre parce que c'est intéressant aussi. C'est que des fois, quand on met en avant notre... Nous, on est dans un milieu de concurrence. On doit répondre à des appels d'offres. Et parfois, des interlocuteurs pensent que la SCOP vivrait dans un autre environnement. On est dans un monde libéral et on doit faire la démonstration aussi de la structuration de notre activité. On répond devant des énormes cabinets. C'est intéressant parce que nous, on travaille avec des collectivités. Est-ce que finalement, notre statut de coopérative ne donne pas une petite plus-value sur un côté un petit peu plus à la carte, un peu plus... Je ne sais pas. Mais en tout cas, en l'occurrence, on a quand même 20 personnes à rémunérer. On a quand même des loyers à payer. Et ça, c'est très important aussi. C'est que du coup, nos valeurs ne nous emmènent pas du tout dans un autre univers qui ne serait pas celui de la réalité. Mais après, c'est une question de philosophie parce que vous parlez de résultats. Qu'est-ce qu'on fait des résultats quand on fait des bénéfices dans d'autres entreprises? Il y aurait tout de suite cette logique de vouloir avoir des... Enfin, il y a des règles aussi sur les scopes. C'est-à-dire que très clairement, quand on fait des bénéfices, quand il y a un résultat positif à la fin du bilan, nous, par exemple, le choix qu'on a fait, il y a des règles. Hein. Il est possible de donner des dividendes. C'est entre 3% et 33%. Donc vraiment une rémunération aux salariés. Nous, on a fait le choix de ne pas la faire. Il y a une autre règle qui veut qu'entre 16 et 75% des résultats soient mis dans la réserve. Ça, c'est très important, cette histoire de réserve. Nous, par exemple, à la fin d'un résultat, quand il est positif, on met 66%, les deux tiers de notre résultat, dans la réserve. Cette réserve, elle est indivisible et on peut pas aller en, enfin je veux dire le salarié ne la récupérera jamais. Donc là vraiment la logique, et par exemple je vous disais que l'entreprise était créée en 93, ça veut dire que toutes les personnes qui l'ont créée ne sont plus là en fait. Donc cette réserve elle ne bougera pas, c'est le principe de la SCOP. Donc il y a vraiment une logique de pérennisation de l'entreprise, c'est à dire que nous on décide qu'on donne des reins très solides à la société en mettant ces sommes dans les réserves, et une personne qui s'en irait ne peut pas avoir cette réserve. Elle récupérera ses actions et de façon nominale. Ça veut dire qu'elle va récupérer ce qu'elle a mis au début. On ne rentre pas dans une scope en imaginant que son action va doubler, tripler, quadripler, la revendre. Et ça, c'est très, très important. C'est hyper important parce qu'on est donc dans le modèle absolument classique et on a la même concurrence que les autres. Mais quand même, il y a des choix philosophiques à la fin d'une année. Et puis très pratiques d'ailleurs, ils ne sont pas que philosophiques, qui là font sens dans un projet collectif et solidaire. C'est pour revenir un peu sur le côté, un peu les résultats. Oui, on est dans un monde totalement normal, hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Et je veux dire justement, par rapport aux entreprises classiques, vous arrivez à, quel que soit d'ailleurs le type de scope, vous arrivez à bien vous défendre. En l'occurrence, dans notre position, je pense que oui, je crois que certains cabinets peuvent avoir quelques difficultés dans notre cœur de métier. Et on fait au mieux pour essayer d'ouvrir de nouvelles voies et se tenir à flot. Ouais. Et dans le domaine de la production? C'est ce qu'on disait. Actuellement, on parle toujours du coût du travail. Moi, ce que je dirais au niveau, ce qui plombe les entreprises, c'est le coût du capital, le coût de la rémunération des actionnaires. Donc en travaillant où chacun est impliqué et où on ne cherche pas à dégager des bénéfices extraordinaires, on peut arriver à être concurrentiel dans le domaine des scopes. C'est bien évident. Enfin, je veux dire, ça me paraît la base même. Et là, effectivement, c'est important ce que disait Nicolas, parce que les fonds propres sont au cœur des débats sur la pérennité des scopes. Alors, apparemment, vous avez une pratique qui vous permet d'être très solide. Ouais. Toutes les scopes ne sont pas dans cette situation-là. Alors après, c'est toujours pareil, c'est que moi je parle pour notre exemple et je dis pas qu'on est très solide, hein. On a les difficultés que peuvent avoir toutes les entreprises. Ce que je dis c'est qu'on fait tout pour pas être pas trop solide en tout cas. Et après reste l'autre problématique sur laquelle je vais pas trop m'avancer, je suis pas expert, mais nous on est parti d'un projet collectif avec des vrais piliers. La problématique des reprises d'entreprises qui sont en difficulté. Je veux dire, là, par définition, on part peut-être pas sur des bases très saines. J'en parle à dessein parce que j'ai l'expérience de mon père que j'ai vu plus jeune monter une SCOP parce qu'il était menuisier, que sa boîte s'est complètement cassée la gueule. Il a pris 7 ou 8 personnes avec lui à monter une SCOP, mais sur des bases qui étaient celles de la survie. Enfin, on est sur des bases qui sont... Et je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, je ne me rappelle plus de votre... Jean-Marc. Il faut aussi que le projet soit partagé et il faut vraiment bien comprendre la logique dans laquelle on va aller. Lui, il s'est retrouvé dans une logique, je fais une petite parenthèse, mais qui est vraiment intéressante, où il est devenu le gérant de cette SCOP, parce qu'il avait initié le mouvement. Et les autres salariés sont restés comme ça, dans ces représentations anciennes, c'est, je dirais, presque stigmate. Et c'était devenu le patron. C'était devenu le patron, et du coup, il finissait à 17h, machin. Et le truc, c'est complètement cassé la gueule. Donc voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que finalement, il y a quand même une convergence qu'il faut trouver. Et puis, il faut bien comprendre qu'on est finalement les... propriétaire de notre outil de production, par définition. On n'a pas à rendre de compte à des gens qui nous diraient « je veux autant de dividendes ». Et à partir de là, parce que c'est là où il faut aller aussi, c'est que du coup, y a une vraie émulation qui se crée. Ça veut dire qu'on essaye de trouver l'équilibre entre la vie personnelle, et comme tout le monde dans son travail, et la vie pro. Mais par contre, le projet, il est partagé, on travaille ensemble, on est solidaires. Nous, c'est comme ça chez nous, en tout cas. Et on est dans un système économique capitaliste qu'il faut bien intégrer. Et on est obligé de tenir compte de ces réalités-là. En ce qui concerne mon expérience personnelle et l'échec de la SCOP, parce qu'elle a quand même duré 4 ans, en fait, il n'y avait pas une convergence de vues. À savoir qu'on était parti sur une ancienne société dont les patrons étaient actionnaires à 50-50, qui se sont disputés, et la société a été dissoute. On l'aura pris sous forme de coopérative. Mais par contre, on est redémarré avec un sous-effectif par rapport à l'équipe d'origine. Donc on est parti avec 13 personnes, et au bout de 4 ans, on était arrivé à 45 personnes. Parce que le but... des camarades qui travaillaient avec nous, c'était plutôt d'essayer de réembaucher l'ensemble des salariés qui avaient été laissés sur le côté. Et on n'a pas su maîtriser, on dégageait pas suffisamment d'autofinancement pour pouvoir accompagner l'agrandissement. On a multiplié le chiffre d'affaires par 7 en 4 ans. Et donc, on n'avait pas les moyens. Et à un moment donné, les banques ont dit stop, quoi. Donc, il faut rester dans... faut pas oublier qu'on est dans un domaine donc économique capitaliste traditionnel et il faut assurer avant tout la pérennité. Et c'est très bien de mettre l'ensemble des sommes en réserve pour justement permettre la continuation et la croissance. Et c'est d'autant plus facile lorsqu'on a effectivement des cœurs de métier qui sont à peu près identiques. Je crois très fort au scope d'architecte ou au scope de... Et par contre, c'est beaucoup plus difficile lorsqu'on on y a une hiérarchie avec des ouvriers, des employés, des commerciaux, des cadres, etc. Oui, c'est intéressant comme remarque. René. Justement, dans le cas que vous citez, est-ce que justement un financement solidaire, soit par une banque solidaire ou d'autres formules qui existent, aurait pu vous aider mieux que les banques classiques? On a travaillé avec la banque, la BFCC, la Banque française de crédit coopératif. Donc c'était une banque qui nous a bien aidé au niveau du financement. Mais il arrive un moment où la prise de risque elle devient trop importante. On avait un capital, qui était un tiers ou un quart de notre stock de marchandises. Donc, je comprends qu'à un moment donné, les gens puissent se poser des questions sur la fiabilité ou la pérennité de l'entreprise. Oui, alors un mot quand même là-dessus, parce que j'ai fouillé dans le mémoire dont j'ai parlé de Maud tout à l'heure. Je parlais de Maud tout à l'heure et de son mémoire, et elle disait effectivement que la frilosité des banques est d'autant plus problématique que les institutions financières coopératives n'acceptent de financer un projet que si celui-ci bénéficie de l'appui financier d'une banque classique. C'est ça. Donc on n'est pas sorti forcément de l'auberge. Il y a peut-être quelque chose à mettre en avant aussi si on parle des scopes, c'est peut-être aussi parce qu'on parle d'une solidarité à l'interne, c'est la logique de réseau également. C'est-à-dire qu'il y a toute cette logique aussi, je le dis parce que nous on a décidé de le faire, c'est-à-dire que les scopes et les acteurs de l'économie sociale solidaire ils peuvent aussi un petit peu se structurer entre eux et du coup avoir une plus grosse force de frappe, y compris vis-à-vis des financeurs, avoir donné la démonstration un petit peu de leur viabilité et du côté concret de leur projet. Et je sais que nous, par exemple, Extramuros Multicité, puisque c'est comme ça qu'on s'appelle maintenant, on travaille en réseau, c'est-à-dire qu'on a désormais une grappe d'entreprises qui s'appelle Initiative et Cité. C'est-à-dire qu'on a décidé vraiment d'offrir la garantie d'un accompagnement des collectivités, des porteurs de projets transversales. Et du coup, on s'est mis ensemble, en fait. Donc il y a 18 entreprises qui, au lieu, pareil, de se concurrencer, travaillent en complémentarité. Et donc, Initiative et Cité, les locaux s'appellent La Grappe. C'est un lieu qui se veut ouvert et qui structure aussi l'activité. Et très clairement, ça nous rend aussi beaucoup plus pertinents vis-à-vis des financeurs, qui sont des financeurs solidaires dans notre cas. Donc, en l'occurrence, c'est la Socoden, c'est la Caisse solidaire. Enfin, c'est ce genre d'acteurs qui viennent aussi nous aider à structurer le projet. Alors, La Grappe, je préfère ça à Cluster, d'ailleurs. Merci de rester français. Alors, il y a une manifestation le 28 juin, tu me disais. Oui. Alors oui, je voulais aussi préciser ça, parce que du coup, ce projet, il a été utopique et il devient extrêmement concret. Donc, c'est 18 entreprises. On n'est pas tous encore dans les locaux, mais on a désormais des locaux au 75 rue Gambetta. Et donc, il y a le siège des entreprises classiques qui sont basées, on travaille. Mais aussi, on a tout un étage qui est un espace de coworking où on va accueillir des porteurs de projets, où on va essayer d'avoir une vision un peu transversale, de faire des conférences. Enfin, on a une vraie volonté de faire de cet endroit à Lille, donc au 75 rue Gambetta, un vrai centre de l'économie sociale et solidaire. Et le 28 juin, on ouvre complètement nos portes et on va un petit peu expliquer nos métiers, un petit peu échanger avec les différentes personnes qui voudraient venir voir. Et n'hésitez pas à venir ce jour-là, d'ailleurs, à La Grappe. C'est à partir de quelle heure? Alors, de mémoire, je pense que c'est toute la journée et il y a différents ateliers. Je ne sais pas si vous avez un site, je pourrais peut-être vous envoyer les... Il y a beaucoup d'ateliers l'après-midi à partir de 14h et je pense que le matin, il doit y avoir aussi des événements, mais je pourrais faire suivre la documentation. D'accord. Une remarque supplémentaire, Jean-Marc? Non, c'est bien. Je vous remercie de m'avoir accueilli. Ça me tenait à cœur de pouvoir participer. Oui, on a vu ça et on a vu qu'il y avait quand même quelque chose qui reste très fort ancré dans absolument. Ta tête. Et du coup, en vous voyant, et c'est quand même le principal, c'est quand même des belles aventures. Parce que là, moi, je vis en c'est ce moment une aventure humaine et il faut quand même le mettre en avant, même si ça marche pas, mais en tout cas, on essaye. un mot quand même pour terminer. À l'étranger, il y a aussi ce... Alors, j'ai pas une connaissance totalement encyclopédique de la chose, mais je crois qu'il y a des endroits où c'est beaucoup plus répandu qu'ici. Je pense en Amérique du Sud, j'avais vu des chiffres sur l'Argentine ou des choses comme ça. Mais il y a un travail ici, je pense, qui peut aller vers, en tout cas, vers une vraie ouverture, à mon avis. Eh bien, on va écouter Georges Brassens. Merci en tout cas à tous les deux. On va écouter Georges Brassens pour faire une coupure. Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses. Qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Vous les cons naissants, les cons innocents, les jeunes cons, qui ne le niaient pas, prenez les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons, qui confessez-le, prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses. Qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Vous êtes sur Radio Campus 106,6 MHz. Nous passons à nos lectures. Christian, je crois que tu as quelque chose. J'ai quelque chose à lire, oui. La crise qui vient. La crise qui vient en divisant le territoire national en quatre Frances. Laurent Davezy, prof au CNAM, nous montre la crise d'une autre façon bien à lui, celle qui va à la fracture du territoire. D'abord, la crise commence par la croissance qui est durablement en baisse tendancielle, plombée, faut-il le dire, par la course aux désendettements obligés. Là, on n'est pas obligé d'être d'accord avec l'auteur, mais bon, c'est une donnée d'aujourd'hui. Et de fait, il ne faut pas compter sur les dépenses publiques pour relancer le Graal de la croissance et de la compétitivité et rétablir les déséquilibres sociaux entre les territoires au nom d'une France unie et forcément républicaine. En travaillant à partir de toutes les données statistiques disponibles, Laurent Davezy explore à la loupe les 321 bassins d'emploi de France sur lesquels il plaque les 277 secteurs d'activité de l'INSEE. En regroupant ce qui doit être regroupé, ça donne quatre Frances dont il était question plus haut. Une France dynamique et marchande, qui porte d'ailleurs la croissance économique du pays. Ce sont les grandes métropoles Paris et alentour, Lyon, Marseille, Lille, mais dont le développement que Davezy distingue de la croissance n'est pas terrible. On y produit... On fait de la valeur ajoutée, certes, mais quand on peut, on la quitte, cette France, pour des régions plus clémentes, plus cool, au climat plus tempéré, et notamment c'est l'Ouest, la Bretagne, la côte atlantique qui est choisie, idéale région pour la retraite. On pense à Gérard Cabi. Cette France-là, la deuxième, elle est dynamique, mais elle n'est pas marchande, en ce sens qu'elle bénéficie de l'arrivée des retraités qui dépensent leur pension au bénéfice du petit commerce et un peu de services publics. marchande donc, mais pas dynamique. À côté de ces deux Frances-là, il y a la France moins gagnante, celle de la ruralité, à la population vieillissante, ni marchande, ni dynamique, on s'en doute bien, celle qui vit des revenus de transfert, du RSA, du minimum vieillesse, des allocations chômage aussi, bien sûr. Et une quatrième France, autrefois dynamique, mais encore un peu marchande, de par son passé industriel, en mal de reconversion, et par la jeunesse qui y habite, qui doit surtout compter, elle, aujourd'hui, sur des emplois non marchands pour travailler. Les emplois d'avenir en sont l'exemple type. On aura reconnu notre région, Lille et sa métropole, non comprise, mais qui compte aussi, comme toutes les métropoles, de grandes zones de grande pauvreté. Conclusion double, une pessimiste. On aura compris, la facture de l'endettement va amplifier la fracture du territoire entre la France dynamique qui peut sans souffrir la hausse de, qui peut subir sans souffrir la hausse de la fiscalité et la France en difficulté qui sera durement sanctionnée par chaque baisse de prestations que nous promet le Bruxelles et le gouvernement. Une autre conclusion, plus volontariste celle-là, il faut une autre croissance, pensée territorialement. Le territoire est un facteur de production pour Laurent Davzy, auquel les économistes n'ont jamais vraiment pensé, dit-il. La relocalisation pourrait en être un élément, je suppose, en tout cas. En tout cas, c'est une piste à suivre et que nous suivrons. Un ouvrage important, particulièrement clair et pédagogique, Laurent Davzy, La crise qui vient, la nouvelle fracture territoriale, aux éditions du Seuil. C'est paru en octobre 2012 à La République des idées. Ça coûte 11,80€ pour 175 pages. Eh bien, Méroné, nous allons devoir passer au calendrier militant. Voilà, c'est exact. On t'écoute. Eh bien, d'abord, on peut signaler le... justement, qui commence cet après-midi et se poursuit demain, le forum contre les projets inutiles, nuisibles et imposés, d'ailleurs en soutien aux opposants de la ligne THT, c'est-à-dire très haute tension, dans le Cotentin. Décidons de dire stop, comment agir collectivement. Donc c'est le samedi 15 juin à Lille, à 15h, manifestation rassemblement Place de la République. À 17h, projection film et discussion sur la ligne THT. C'est aux 4 rue de Colmar à Lille. Au Centre culturel libertaire. Au centre, voilà. Et à 20h, des concerts dits sous haute tension, avec Joujou, Duo Boum Boum et Poétrie, un anonyme pour le hip-hop. Et le dimanche 16 juin, c'est à Le Fourré, donc à proximité de Douai, à la salle des fêtes rue Léon Blum. Ça commence à 12h par un repas auberge espagnole et table d'infos des collectifs. Ça se poursuit à 14h par la présentation des différents projets, par la projection du film « Remballe ton élec » et enfin par un débat « Comment agir collectivement ?» face aux différents projets, qui est d'ailleurs en fait le thème général de cette action. Voilà une question utile, en tout cas. Voilà. Alors, les associations collectives partenaires, on trouve Orsol, CRAN, ECVIR, l'AIVES, le LAPEA, l'APSH, le RNP, les riverains du SMETS, Novicent, la Confédération paysanne, RSN, Le Forêt Environnement, le collectif Ouille Ouille Ouille et le collectif Anti-THT, ça, ce sont nos amis de Villeneuve-d'Ascq. Un contact, si vous voulez plus d'informations, donc un contact sur Internet, fpini@risup.net. Alors, un autre rendez-vous, non à la disparition des associations, le 19 juin à l'Amresse, 23 rue Gosselet, à 18h. Le collectif des associations citoyennes a pris l'initiative de constituer une plateforme interassociative pour engager un débat public sur l'avenir et le rôle des associations. Ça, c'est plutôt une bonne idée. Cette initiative, là, c'est autre chose, vient d'une intention, plutôt d'un engagement du gouvernement de redéfinir le cadre des relations entre l'État et les collectivités locales et les associations. Ainsi, et c'est le plus important, comprenez bien, la législation et la réglementation relative aux financement des associations. Réaction d'ailleurs du président des maires de France, des décisions qui risquent de tomber vont peser sur les subventions aux associations. D'où la mobilisation. Du coup, l'AG de la Bresse du 5 juin a invité les associations à préparer dans la région, n'oublions pas que la Bresse est la maison régionale de l'environnement et des solidarités, une semaine d'action qui sera nationale du 14 au 22 septembre. Héro ne pourra pas dire le 22 septembre. Aujourd'hui, je m'en fous après cette semaine. Sur le site de la Bresse, vous trouverez toutes les infos utiles et de quoi signaler votre soutien. Je rappelle donc pour le collectif O, le rassemblement du vendredi 21 juin de 13h à 14h au siège de LMCU, 1 rue du Ballon à Lille, qui est d'ailleurs le jour de réunion du conseil communautaire où devait avoir lieu, bien sûr, la délibération cadre qui décidait du choix définitif de mode de distribution de l'eau après 2015. Le collectif rappellera ses revendications, ne pas capituler face aux multinationales et une régie publique dans l'intérêt de tous. Il faut que cette manifestation soit un succès. Venez nombreux. Oui à l'économie sociale et solidaire. C'est samedi 29 juin à Lille, Roubaix, Tourcoing et Villeneuve-d'Ascq de 10h à 18h. Venez rencontrer des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Contrairement à ce que vous pourriez penser, ce n'est pas notre émission qui est le sponsor de cette initiative sympathique, à laquelle nous n'avons même pas été conviés, mais que nous annonçons avec beaucoup de plaisir. Chaque commune aura son village, place Rioux à Lille, place de la Liberté à Roubaix, parvis Saint-Christophe à Tourcoing, place Salvador Allende à Villeneuve-d'Ascq. Chaque village aura une thématique dominante. Lille, c'est la récup, les recyclages, la valorisation des emplois. Roubaix, les nouvelles mobilités. Je suppose qu'on parlera de transport gratuit obligatoire. À Tourcoing, le service à la personne à tous les âges. On sait que c'est là, avec la santé, qu'il y a plus d'emplois dans l'ESS. Villeneuve-d'Ascq, alimentation locale et équitable. On nous annonce que vous allez déguster. Voilà un beau programme pour le mois de juin. Enfin, pour le mois de juillet, belle initiative du Théâtre de l'Opprimé qui organise un stage d'initiation au Théâtre Forum mettant en scène des situations d'oppression. Et c'est ouvert aux acteurs, comme aux non-acteurs, pour découvrir des techniques de mise en scène de jeux d'acteurs et de forums. Inscription sur le site du Théâtre de l'Opprimé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La saison est terminée. On va peut-être se retrouver en juillet. On va sûrement vous retrouver à la rentrée. À bientôt. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de militer. Engagez-vous. Yeah.